Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue de Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et bien ravi de vous retrouver avec un temps magnifique. Il fait chaud et croyez-moi, il va faire encore plus chaud à l'issue de ces deux heures où le métal en fusion va couler dans vos oreilles. Pour le plus grand plaisir de tous les ORL d'Orléans, je le dis toutes les semaines, Electric Shock, c'est l'émission préférée des ORL, car pour soigner les acouphènes, voilà, après, je décline toute responsabilité. Donc ce soir, ce qui vous attend, eh bien, trois nouveautés. Et puis, bah, ce soir, je ne sais pas, cette semaine, je ne sais pas pourquoi, j'ai peut-être été atteint de nostalgie ou autre, on va retrouver des petites choses assez anciennes aussi. Bon, de temps en temps, ça fait du bien aussi de se rappeler de bonnes choses quand même. Vous êtes prêts? Eh bien, on va commencer, bon, assez soft quand même, avec l'album nouvel album solo de Charlotte Wessels, l'ancienne chanteuse donc de D-Lane, qui nous a fait un album très intéressant qui s'appelle The Obsession, sorti en fin d'année dernière. Et sur son album, elle nous a fait d'ailleurs une relecture d'un morceau qui figurait sur son album précédent, Tales from Six Feet Under, qui avait été composé pendant le confinement. Il s'agit donc de Soft Revolution. Comme je vous le dis ce soir, ouais, ça porte bien son nom, on commence cool. We'll be right back. je vous l'avais dit, cool. Et d'ailleurs, le titre portait bien son nom, Soft Revolution, version donc 2024, puisqu'il s'agit d'un réenregistrement. C'était donc Charlotte Wessels avec un extrait de son dernier album, The Obsessions, sont sortis en fin 2024. Et bien maintenant, passons à du méchant, du furieux, avec la première nouveauté de la soirée. Alors, je vous présente le groupe Borgne. Alors non, ce n'est pas un groupe de pirates, ce n'est pas non plus un hommage à Jean-Marie Le Pen. Borgne, c'est un groupe de black metal industriel qui existe depuis le début des années 2010. Ils nous viennent de Suisse, de Lausanne plus exactement. Et bah, c'est déjà leur 11e album, comme quoi un groupe très prolifique. Celui-ci s'appelle Renette de ses Fanges. Et on va se décrasser les esgourdes avec une petite douceur qui s'appelle Un espace hors du temps. Renaître de ses fanges, ça c'est le titre de l'album, et Un espace hors du temps, c'est le morceau. Et ben sinon, c'était le groupe Borgne, groupe de black metal industriel. Et donc c'est tout chaud, tout bouillant, puisque c'est sorti donc vendredi dernier, et sur l'excellent label Les Acteurs de l'Ombre, pour tous les amateurs de black metal apprécieront. Donc voilà, ça c'était la première nouveauté de la soirée. On va se faire maintenant quelque chose de plus rock'n'roll, avec un groupe qui nous vient du nord de la France, qu'on a déjà passé ces dernières semaines. C'est les Fous Furieux de Bure, avec son album Plus Vite et Plus Fort, qui porte bien son nom. Mélange foutraque de punk, de métal, de hardcore, de rock, de plein de choses, suivant les morceaux. Toujours est-il que sur ce La Folie, on est plutôt dans le registre assez heavy quand même, que vous allez pouvoir le constater, et ça dégage quand même pas mal. crois que le temps me tue. On ne sait jamais quand le sablier sera vidé. Je veux dépenser ce temps, tout ce temps que je n'ai pas. Je saute de tâche en tâche d'un cadran pas assez grand. Depuis quand est-ce que je cours? Depuis quand est-ce que je compte? Depuis quand est-ce que je cours? Depuis quand est-ce que je compte? Toulousain de Helm avec Multiplié, qui est extrait donc de leur deuxième EP, Reflet Irisé, sorti donc début février, juste avant Bure, venu du groupe venu du nord de la France, avec son deuxième EP Plus Vite et Plus Fort, c'était La Folie. Maintenant, on va se faire du pur heavy metal. Et de la série Faisons du neuf avec du vieux, je voudrais Udo Dirkschneider. Alors, Udo Dirkschneider, bon, on ne le présente plus, c'est l'ancien chanteur d'Accept, et puis on ne parle pas non plus de sa carrière énorme avec son groupe Udo. Et là, il revient donc sous le nom Dirkschneider, comme il l'avait fait pour l'époque où il revisitait donc le catalogue de son vieux groupe Accept. Puisque là, pour les 40 ans, bon, il a presque 2 ans de retard, on va dire. d'un album mythique du groupe, il a décidé de réenregistrer Balls to the Wall. Donc, je vous avais présenté un extrait la semaine dernière. C'est vrai que sur le coup, quand j'avais vu ça, je dis bon, je vois pas, il y a pas trop l'intérêt. Mais pour ça, il a appelé donc tous ses potes. Donc, on y trouve la fine fleur du heavy metal actuel et aussi, des légendes aussi qui ont voulu donc donner de la voix sur ces classiques intemporels, donc sur cet album qui était à l'origine sorti en 1983. Et d'ailleurs, bah là j'ai appris ça là, quoi, à la fin de semaine dernière, que bah, Udo sera en concert demain soir à Paris au Trabendo, où justement il interprétera l'intégralité de cet album mythique. En attendant de ce Balls to the Wall Reload, on va se faire très grand classique, enfin tous les morceaux sont des classiques, mais celui-ci a toujours été joué à quelles que soient les tournées. Et pour ce morceau, il a appelé donc son vieux copain Biff Bifford de Saxon. Et avec la voix de Biff Bifford, on peut dire que ce morceau sonne comme un classique de Saxon, justement. Donc, London Leather Boys, tout de suite, maintenant. Let's go. Vous venez de faire connaissance avec Madame Guillotine, mais comme le disait l'ami Biff Bifford, attention à ne pas perdre sa tête. Madame Guillotine, ça c'est un extrait de Hellfire and Damnation, le dernier album de Saxon qui est sorti l'année dernière, qui nous montre une fois de plus que les vétérans anglais en ont encore sous la semelle et qui sont décidément increvables. Par contre, c'est dommage que pour l'instant leur tournée mondiale n'ait pas passé par la France. Quand même, excusez du peu, on a eu normalement sur cette tournée, on a droit à l'intégralité de l'album Wheels of Steel pour ses 45 ans. Une partie de classiques et de morceaux un peu plus rares, et aussi, bien sûr, des extraits de Hellfire and Damnation. En ce moment, ils sont en tournée aux États-Unis. Ben, espérons qu'il y ait une deuxième partie de tournée européenne, parce que, bon, jusqu'à présent, quand on regarde les dates, à part l'Allemagne et la Scandinavie, le reste, bon, patience, on arrivera peut-être à les revoir. En attendant, Udo Dirkschneider, lui, sera bien à Paris demain au Trabendo pour nous rejouer l'intégralité de son album mythique Balls to the Wall, qui vient de ressortir donc avec plein de duos. Et là, c'était donc London Leather Boys, où justement Biff Bifford poussait sa gueulante en compagnie de l'ami Udo. Maintenant, je vais vous emmener loin, très loin, à travers l'espace et le temps, puisqu'on va retrouver donc les Belges de Wyatt E, groupe de post-doom drone, qui vont nous parler de la Babylone l'Antique. Et justement, ils ont poussé leur concept à aller jusqu'au bout pour aller jusqu'à chanter en araméen et en acadien, excusez quand même du peu. C'est le cas de leur album d'ailleurs qui s'appelle Zamaru Ultu Kereb Zikaratu Part 1, ce qui veut dire qu'il y aura une deuxième partie avec des morceaux très longs, très hypnotiques, comme par exemple ce Aanu Ers. C'est tout. Voilà. Si quelqu'un connaît ces langues mortes et sait ce que ça veut dire, eh bien, qu'il désire et lui, elle n'hésite pas à appeler au 02 38 43 48 00. hypnotique, planant par moments et quelque peu ésotérique et en même temps, on va dire, quelque peu malsain. C'était tout simplement les Belges de Wyatt A avec le morceau Aanu Ersetum, extrait donc de l'album Zamarokultukereb Zikaratu Part 1. Donc ça, c'est du vieux araméen, donc il nous parle de la Babylone antique. On va se passer quelque chose maintenant de beaucoup plus rock'n'roll avec la deuxième nouveauté de la soirée. On va vous présenter le premier album d'un groupe français qui s'appelle Obsidian. Cet album s'appelle Explorating Fate. Alors c'est un rock énervé aux frontières de métal, du grunge, un peu de punk. Tout ça fleurit les années 90. Et sur cet album, on va s'écouter Sad Gritter. Ailleurs, extrait du premier album de After Us All qui s'appelle Rebirth. Premier album aussi pour Obsidian avec Exploiting Fate, donc c'est le titre, et Sad Greeter, et c'était également la deuxième nouveauté de la soirée. Il est déjà 20h et une minute passée, ça veut dire que la deuxième heure d'Electric Shock continue. Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel, donc 96.2. Tout à l'heure avec White E, on a été faire un tour du côté de la Babylone antique fantasmée. Là, maintenant, on va rester un petit peu dans le même coin, puisqu'on va aller faire un petit tour en Égypte. Dans le temps, on va se retrouver aux alentours de la 6e et la 6e dynastie des pharaons, où on va retrouver Amonsetis et leur 4e album, Part 3, Dawn of an Apocalyptic World. Et ils vont nous raconter ce qui se passe avec les tyrans, avec The Rise of the Tyrants. Yeah. La vache, ça va faire au moins 10 ans que j'avais pas écouté ça, la vache. Souvenir, c'était donc, vous avez reconnu sans problème, j'imagine, Stratovarius avec son classique SOS, extrait de l'album Destiny, qui était sorti en 1998. Quoi, là, c'était quoi? Donc, l'âge d'or, donc, des Finlandais. Juste avant Made in France, et c'était un extrait de Part 3 Down of an Apocalyptic World, c'était The Rise of the Tyrant. Maintenant, on va faire un petit tour en Belgique, retrouver le groupe de black metal Raum et son album Emperor of the Sun, dont on a passé quelques extraits ces dernières semaines. Et là, on va aller faire un petit tour du côté des terres de la désolation et Grounds of Desolation. Grounds of Desolation, ça c'est un extrait de Emperor of the Sun, le dernier album des Belges de Raum, album sorti donc fin février. Après du black metal, maintenant on va revenir à du heavy metal pure années 80 avec un groupe de ce qu'on appelle The New Wave of True Heavy Metal. À les entendre, c'est vrai qu'on aurait cru à un album oublié qui ne serait jamais sorti à cette époque-là. Il y a beaucoup de jeunes groupes qui ont décidé de faire revivre la musique de leurs parents, voire même de leurs grands-parents, on peut dire, carrément maintenant. C'est le cas du trio américain The Watcher, comme vous avez pu le constater ces dernières semaines, puisqu'on a déjà passé deux petits extraits de cet excellent premier album Out of the Dark. Certes, ça ne brille peut-être pas par son originalité, mais c'est très bien fait et ça reste très agréable à écouter. Et ça nous donne une petite idée, ça peut être aux plus jeunes, de ce qu'était le heavy metal des années 80, petite rythmique nerveuse, tempo assez sec, enfin... Moi, j'ai beaucoup apprécié. Enfin bref, pour moi, c'était un retour à mon adolescence. On va faire un petit extrait, donc, avec Burning World. Obsidian, ça c'était les Américains de Night Demon avec un extrait de leur album Outsider, leur dernier album sorti donc en 2023. Et Night Demon, qu'on a eu la chance de voir à Paris au mois de février dernier en première partie de Queensryche. Et un groupe qui a vraiment fait très bonne, forte impression, je crois, auprès du public. Juste avant Night Demon, eux aussi venus des States avec leur premier album The Watcher, c'était Burning World, extrait donc de l'album Out of the Dark. 20h27 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, ça veut dire qu'il reste quoi? Un petit peu plus d'une demi-heure pour Electric Shock. Electric Shock, donc, je vous rappelle, tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel, donc 96.2. On va se faire la troisième nouveauté de la soirée avec un groupe qui nous vient de Toulouse, qui s'appelle Corporal Punishment, qui existe depuis 2019, et c'est leur premier album. C'est un groupe de death metal, quand même. Et pour un premier album, il y a quand même pas mal de choses très intéressantes. Bon, ils avaient sorti déjà un EP il y a quelques temps, qui s'appelait The New Plague. Alors celui-ci, le premier album s'appelle Inverted Demise, et je pense que c'est un groupe à suivre dans les mois, voire même les années qui suivent. Extrait de cet album, on va s'envoyer, pour le plaisir des oreilles de la région, Artificial Human Fabric. New World, extrait donc de l'album du même nom. C'était donc les Suisses de Atlas Ashes, groupe que vous devez commencer à connaître parce que bon, bah ça fait déjà un petit quelques semaines qu'on diffuse quand même des extraits de ce premier album, ma foi, fort réussi. Bah juste avant, eux aussi c'est leur premier album, mais c'était la troisième nouveauté de la soirée. Les Toulousains de Corporal Punishment, donc son premier album Inverted Demise. Et c'était donc, on a découvert avec Artificial Human Fabric. Et bien maintenant, on va passer à quelque chose de beaucoup plus rock'n'roll. Et on va se promener maintenant dans le désert américain. Or qu'ils sont bien français puisqu'ils viennent de Lyon. Bah, vous les connaissez si vous avez écouté Electric Shock ces dernières semaines, enfin depuis la fin de l'année dernière, puisque c'est à ce moment-là qu'est sorti leur nouvel album. C'est le groupe Diesel Dust, avec un extrait donc de Just Another Day. Rock sudiste, donc ça veut dire musique intemporelle, éternelle, qu'on s'écoutera encore dans 50 ans, comme toujours. Et ben on va se faire un petit tour dans le désert, donc avec leur morceau Women, rien à voir avec celui de Def Leppard. Indémodable, ça aussi, c'est donc les légendes du rock sudiste Molly Hatchett avec Miss Saturday Night, qui est extrait de leur album Silent Reign of Heroes, qui était sorti en 1998. Et ouais, ça datait donc du siècle dernier. Et Molly Hatchett, qui est toujours en activité, et c'est un groupe qui a comme particularité maintenant, c'est que de n'avoir aucun membre d'origine dans la formation. Et malgré tout, le style reste toujours identique. Juste avant Molly Hatchett, plus récent, et Made in France, c'était donc Diesel Dust, et avec un extrait de leur album Just Another Day, sorti l'année dernière, et c'était le morceau Women. On va continuer avec du rock plombé Made in France, avec le nouvel album de Walnut Grove DC, mais rock'n'roll quand même plus plombé, puisqu'on parle de stoner metal avec l'album Deeper, et on va écouter Turnaround. We'll be right back. qu'est-ce que j'ai pu écouter cet album à l'époque où c'est sorti, ça. Et c'est toujours aussi bon, hein, vraiment. Soundgarden avec Room a Thousand Years Wide, extrait de l'album Bad Motorfinger, sorti en 1991. Eh ouais, gros la vache, comme le temps passe vite, c'était au siècle dernier. Et juste avant, bah, dans le même état d'esprit, Walnut Grove DC et son album Deeper, et c'était Turn Around. Eh bien, on va se passer un dernier morceau avant de passer donc le relais à Electro Live. Et pour ça, bah tiens, on va passer. Je vais vous parler un petit peu du concert du Hellfest Warm-Up qu'il y a eu samedi soir à l'Astrolabe à Orléans, où il y avait les groupes donc locaux. Il y en avait donc au Monde de Merde, bon, le groupe de punk hardcore sympa à écouter, mais enfin ça casse pas trois pattes à un canard, mais enfin ça se laisse écouter. Après, il y avait donc les Brésiliennes de Nervosa qui nous ont montré que sous leurs airs de charmantes jeunes filles, bah c'était vraiment des harpies, et on était plus proche de Creator et qu'elles peuvent remontrer à beaucoup de mecs. Et quant à Novelist, bah, je dois avouer que bah, le groupe de metalcore, moi personnellement, je suis pas du tout rentré dedans, même si la chanteuse s'est vraiment donnée à fond et elle avait dit d'emblée qu'elle avait la crève et que c'était pas évident pour elle. Malgré tout, chapeau bas, c'était bien joué, mais je sais pas, moi je suis pas du tout rentré dedans. Bah pour terminer, je me suis dit que Nervosa, ça allait le faire. Et on va se faire un extrait de leur dernier album Jailbreak qui était sorti en 2023. Et c'est avec ça qu'on va terminer. Par contre, rien à voir avec le Jailbreak de Tiny Tzi. I'm Jailbreak, les brésiliennes de Nervosa, extrait donc de leur dernier album du même nom. Voilà, c'était donc le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Morceau d'ailleurs qui a surpris l'ami Christophe quand je lui ai dit que c'était une femme qui chantait. Et bien maintenant, Electric Shock, c'est fini. Merci et on se retrouve donc la semaine prochaine. Electrolyse, ça va être tout de suite maintenant. Je ne sais pas ce qu'il a à nous proposer. L'ami Christophe, on va voir ça tout de suite avec lui. Salut, salut. Salut, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, la tribale avec de la latine house. Voilà. Et ben voilà, pour donc changer un petit peu. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est-à-dire de rester branché sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. La bonne musique continue maintenant. Ou sur Twitch, et si vous voulez me voir. Eh oui, ça j'oublie de vous le dire à chaque fois. Oui, oui, mais petit rappel, bienvenue. Donc son et lumière sur Twitch, voilà, si vous voulez. Et maintenant, Electro Live, c'est parti. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous.